Si l'action est un ensemble de réactions, ce qui a actionné l'action a-t-il été aussi une réaction? Non. Sinon, il n'existe que des actions qui s'actionnent elles-mêmes et se décomposent en espace-temps réactionnel. Non plus. La réaction est-elle toujours spatio-temporelle et l'action instantanée? Ou, exact. S'il existe des réactions intemporelles? Non. La réaction est-elle une rétroaction ou une proaction? Les deux, en même temps. Voilà. S'il y a eu un accident, s'il y a eu accident ou erreur, c'est donc que l'intention avait l'intention de faire autre chose. Quelle est cette autre chose qui devait avoir lieu? Finalement, c'est l'intention qui compte. Si tous les humains évolueraient en s'amusant, quelle que soit la question, s'il y a eu un accident ou une erreur, c'est donc que l'intention avait l'intention de faire autre chose. Mais j'ai déjà expliqué que du point de vue intra-créationnel, c'était un accident. Que du point de vue extra-créationnel, ça n'avait jamais eu lieu. En partant, ça règle déjà la question de l'intention. Il n'y a pas d'intentionnalité au-dehors de la création. C'est un terme qui définit une substance intra-créationnelle, en périphérie de la création, donc dans les plans inter-supra-universels, donc entre les super-univers. Mais il n'y a pas d'intention de création. Donc, du point de vue intra-créationnel, de notre point de vue, c'est un accident. Ce n'est pas une intention, ce n'était pas voulu. Du point de vue extra-créationnel, ces mots-là n'ont pas de valeur. Donc, on ne peut pas dire si c'était une intention. C'est comme si on disait, la création, du point de vue extra-créationnel, c'est un cheval. Ou ce n'est pas un cheval. Telle est la question. Est-ce que c'est une intention ou un accident? Du point de vue extra-créationnel, ces mots-là n'ont pas de substance, ça ne définit rien. Donc, du point de vue extra-créationnel, c'est pas ça. Intra-créationnel, c'est un accident. J'ai des questions qui suivent ça, là. La création est accidentelle. Dans ce contexte, que veut dire accidentelle? Une erreur, une résultante imprévue. L'homme est intentionnel. Quelle intention? Est-ce que la conscience de l'homme s'est effusée par libre choix? Quel est le lien entre l'intention et la création? Toujours une question en foi, ça l'aide. OK. Bon, ça va long. La création est accidentelle dans ce contexte. Que veut dire accidentelle? Une erreur ou une résultante imprévue? Accidentelle, du point de vue de l'homme, c'est une autre façon de voir la création. J'ai déjà dit aussi. On pensait que ça avait été créé par un dieu intentionnel qui voulait ceci, cela. Or, moi, j'ai simplement donné un petit coup de marteau dans la forme, puis j'ai dit que c'est un accident. C'était plaisant. C'est bon. L'homme est intentionnel. Quelle intention? L'homme est intentionnel en fonction du fait que, du point de vue des prémices intentionnalisables dans les parties intra-super-universelles, donc l'énergie intentionnelle, créatrice, de là, il y a eu l'intention de résorber l'univers. De là vient l'homme, du point de vue de la forme évolutive, involutive-évolutive, que l'on connaît. Quelle intention? Résorber. Est-ce que la conscience de l'homme s'est effusée par libre choix? Elle s'est effusée par libre choix, oui. Quel est le lien entre l'intention et la création? L'intentionnalité de l'homme est un phénomène qui a un objectif, tandis que la création n'a pas d'objectif. La création n'est pas intentionnelle, elle n'a pas de but. L'homme a une fonction, il a un objectif à travers la création. Résorber la création, l'homme est intentionnel. Tu me suis? Si il me comprend, vous comprenez tout ça. Hein? D'abord. Oui. Daniel, quand tu dis que la création perçue de l'intérieur, c'est un accident, c'est-tu parce que tu vois la souffrance à l'intérieur qui faisait ça? C'est-tu la souffrance? Non, c'est parce que la création n'a pas d'objectif. Elle ne sert à rien. Oui, mais en étant dedans, nous autres, le subissant, on perçoit une souffrance, on peut dire que c'est accidentel. Puis en apercevant de l'extérieur, je ne sens pas la souffrance. Non, quand je dis, moi, que la création est un accident, je dis que du point de vue de l'intérieur, c'est visibilisé, on le voit comme étant un accident. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'homme, lorsque l'homme va continuer à avoir un paquet de mots qui viennent en même temps, lorsque l'homme va voir sa conscience continuer à grandir, prendre des mots plus terrestres, Nécessairement, l'homme va découvrir le manque d'intentionnalité dans la création, la connerie. Et de ce point de vue-là, ça reste un accident. Du point de vue extra-cosmique, j'ai déjà expliqué, disons extra-créationnel, j'ai déjà dit que la création n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. De ce fait, ce ne peut pas être un accident. Mais du point de vue de la conscience évolutive de l'homme à travers les sphères de la création, on prend conscience en grandissant qu'il n'y a pas de but à la création. Elle ne sert à rien. De ce fait, ce n'est pas intentionnel du point de vue de l'intelligence, de l'accident. Mais le terme accident est un terme faux. Un jour, l'homme aura un autre mot à mettre dessus. Parce que ce n'est ni intentionnel ni accidentel. Mais c'est beaucoup plus proche de l'accident que de l'intention. On est plus juste en disant que c'est accidentel. Y a-t-il une différence entre choix et décision? Absolument. La décision étant intentionnelle, et donc il y aurait eu la décision d'une création ou le choix. Non, c'est pas ça. C'est ça, oui. Mais il y a d'autres points de vue. Le choix, c'est ce qui s'offre à nous. La décision, c'est le support psychologique qui nous fait en sorte qu'on se sente bien quand on est attiré par un des choix. Quand on dit « je choisis », en réalité, c'est « j'ai décidé de prendre ce choix ». C'est ce que ça veut dire. Alors, il y a trois choix qui s'offrent à moi. Et manipulé, je prends un des choix. Et égoïquement, je dis « j'ai décidé de ». Simplement. Il y a des données dans l'ego de l'homme. Il y a un paquet d'informations. C'est l'addition de toutes ces informations qui fait que l'humain va quelque part. C'est ça, une décision. On rentre de nouvelles informations et il prend un autre chemin. C'est ça, de la manipulation. Si tu as la mémoire de ton futur, tu sais donc à quel moment tu as fusionné et c'est accompli. Tu peux donc ni ralentir ni accélérer ce qui est déjà arrivé. Pourquoi dis-tu que tu peux ralentir? Parce que je peux le ralentir, étant donné que, comme j'ai expliqué aussi, lorsque l'humain arrive à un contact avec les plans de l'intelligence, il commence à avoir de la créativité, il commence à avoir de l'intentionnalité, donc il commence à avoir la faculté d'agir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers ne reste pas matériel comme nous le connaissons là. Regarde, je peux dire à quelqu'un, il fait beau. Mais la même de l'intelligence passe par le corps physique dans le même contexte en l'an 2023. Et là, la conscience descend et dans le même corps, elle dit, il fait beau. Dans les deux cas, l'humain ne réagira pas de la même façon. Or, dans l'apparence matérielle, ce sera similaire. Mais que ça va être différent. Alors, c'est la conscience, et là, le jeu. Moi, je peux ralentir un phénomène de fusion du point de vue de l'intelligence, pas du point de vue de l'ego. Et même si je suis la réincarnation de plusieurs phénomènes de l'avenir, ça n'empêche pas d'exprimer les courbures du temps, comme j'en ai déjà parlé. On peut cheminer à travers des milliers d'années pour arriver quelque part, puis on peut aussi y aller d'une façon saltatoire, puis on peut aussi y aller en traversant directement. C'est là qu'on a le phénomène de changer. Est-ce que j'ai le goût de traverser les mille quelques années qui me séparent de où je me rappelle avec vous, ou si j'ai plutôt le goût d'y aboutir? Évidemment, si j'y aboutis, il y aura un corps bizarre qui va cheminer avec tout le monde. Mais moi, je ne serai plus dedans. Il va y avoir les archétypes de Daniel Kemp dedans. Bon, tu sais, il va s'être assagi, à un moment donné, il va être guéri. Il va continuer. Alors que moi, je vais être rendu simplement là où je veux aller. Alors, je peux cheminer, faire tous les sillons du disque jusqu'au centre, puis je peux sauter. La musique reste dans les sillons, ça, c'est pas un problème. Moi, l'aiguille, je ne suis plus là. Alors, c'est ça qu'il y a nuance. Ça ne changera rien dans l'apparence, mais dans celui qui vit quelque chose, ça change tout de A à Z. Si l'humain peut se rappeler le futur parce que la création a eu lieu et que le temps se contracte, peut-on refaire ou repenser ces mêmes choix ou décisions que l'on avait pris avant la création? Si oui, est-ce que ces choix... Avant la création, on n'a pris aucun choix, aucune décision. Oui. Si oui... Non. Non. Est-ce que ces choix ou décisions sont les traces laissées par l'esprit dans le temps et qui apparaissent comme les choix les plus intelligents à l'homme qui se rappelle le futur? Non, c'est simplement de la mécanique exposée à sa conscience. Le choix de cheminer en Rolls-Royce ou en Lada. Par rapport à la planète Terre, la vibration supramentale ou le monde supramental s'étend sur combien d'années-lumière? de la frontière supramontane. Une question à la fois. OK. Je répète. Par rapport à la planète Terre, la vibration supramentale ou le monde supramental s'étend sur combien d'années-lumière? Par rapport à la planète Terre, le contexte supramental, du point de vue énergétique seulement, du point de vue de la vibration, ça s'étend à peu près l'espace de notre univers, c'est-à-dire 15 milliards d'années-lumière. Et par la suite, il y a un vide absolu de phénomène supramental qui est le plan bouddhique, et on retouche un autre univers. Et l'autre univers, celui qui est le plus proche de nous, a près de 18 milliards d'années-lumière de diamètre. Alors, il y a aussi de l'énergie supramentale dedans. C'est ça, c'est de la frontière supramentale au monde bouddhique, il y a combien d'années-lumière? De la frontière supramentale au monde bouddhique, il n'y a aucune année-lumière, parce que la frontière du plan supramental, c'est la frontière du plan bouddhique. C'est comme de dire entre la frontière canadienne et américaine, à partir de la frontière canadienne, les États-Unis sont à combien de milles de là? Nous, on est cave, on laisse des no man's land, c'est des territoires interdits, là. Mais en admettant qu'il n'y a pas de territoire interdit, ben, quand tu arrives à la frontière d'un pays, si tu fais un pas de plus dans l'autre pays, bon, c'est ça, il n'y a pas de lumière. Donc, du monde bouddhique au monde atmique ou intentionnel, il y a combien d'années-lumière? Puis du monde atmique à rien, combien d'années-lumière? Évidemment, quand on parle d'années-lumière, quand on veut voir ce qui se passe entre deux univers dans le plan bouddhique, en années-lumière, on est comme en kilomètres à l'heure dans la galaxie. Donc, ce ne sont plus des années-lumière. Est-ce additionnel, ces années-lumière, le tout devrait-il donner 15 milliards d'années-lumière? C'est l'univers local qui a 15 milliards d'années-lumière de diamètre, c'est pas l'univers. C'est-à-dire que c'est l'univers local, mais c'est pas le super-univers, c'est pas la création. Le commentaire. Je sais que l'espace est relatif, dépendant de la vitesse de déplacement de ton véhicule, mais j'aimerais une réponse par rapport à ma vitesse de déplacement aérienne. Bon, la vitesse de déplacement aérienne... Alors, on va juste voir ce que ça donne, c'est intéressant. Je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de neurones pour arriver à mettre un chiffre là-dessus, là, mais... Disons que l'univers, à la vitesse humaine, ça l'a... Oh boy! Ça prend 15 milliards d'années à 300 000 km à la seconde, fait qu'à 50 km à l'heure, ça prend combien de milliards d'années, combien de billiards d'années? Ça pourrait comprendre combien d'univers comme la nôtre dans ce que, globalement. Bon, ça ne sert à rien de répondre à ça parce qu'on n'a même pas une idée. Enfin, l'humain, le cerveau humain n'a même pas de disque, c'est l'univers. Tu sais, je peux dire n'importe quoi, ça serait ça bon. Et pour étudier, ça comprend l'équivalent de 100 univers. Oui, d'accord, ça, c'est l'équivalent de 100 petits univers. OK. Une des deux antennes supramentales actuelles est en affinité avec le soleil central de la galaxie, n'est-ce pas? Les deux le sont. L'autre antenne est en affinité avec quoi? Les deux le sont. Sauf qu'il y a un faisceau qui passe par une étoile qui est un peu plus loin, et il y a un faisceau qui passe par une étoile qui est notre soleil. Les deux sont en affinité avec le soleil central de notre univers. De notre galaxie, évidemment, de notre univers. Allô, allô? Bonjour, la police. Je reviens avec l'ego. Quelqu'un, un humain qui se suicide, c'est son ego qui est manipulé par l'astral à le faire. Deux choses. Celui qui se suicide, s'il est suffisamment évolué, c'est l'anti-homme qui, voyant sa fin proche, décide de tuer le corps physique pour réintégrer le monde de la mort. Deuxièmement, si c'est un suicide manipulé par l'astral, c'est qu'il y a trop de réincarnation de tendances suicidaires dans le corps de l'homme ou de la femme ou de l'enfant, parce que la génétique est une génétique à tendance suicidaire. Donc, c'est deux phénomènes. Mais dans le premier cas, c'est quand même l'astral. L'antium, c'est... Absolument. La différence entre l'antium et l'astral, il y a... C'est la même chose, mais dans un des cas, il y a réincarnation qui amène une conséquence suicidaire. Dans l'autre cas, il y a la fuite de l'ego du corps de l'homme. Les deux, c'est l'astral, mais disons que le mécanisme est légèrement différent. C'est comme si tu avales une balle de fusil, puis elle éclate à l'intérieur de toi, ou tu te fais tuer par une balle de fusil tirée par quelqu'un. Dans les deux cas, c'est une balle de fusil qui te tue, oui. Mais la mécanique est différente. Quand c'est l'ego qui veut sortir, il tue le corps physique. Ça reste de l'astral, mais c'est pas pareil du point de vue, disons, si on voudrait intervenir chez un suicidaire, c'est deux démarches totalement différentes, même si ça reste astral. Tu as raison quand tu dis que c'est l'astral. Je te donnais deux exemples majeurs, c'est deux mécaniques différentes. Mais dans le cas où c'est l'ego qui fuit, c'est l'anti-homme... OK. Qui fuit, puis qui, lui, est jaloux. Dans le genre, si moi je l'ai pas, personne ne va l'avoir. Et qui tue le corps physique, puis il gagne le monde de la mort. Est-ce qu'un humain peut être suicidé par son mental? Non. Jamais. Jamais. Par contre, ça dépend. Jamais. On parle de contexte évolutif. Mais mettons que tu es prisonnier de certains êtres humains ou animaux humains, pour être précis, qu'on te torture d'une façon implacable. À un moment donné, ton mental peut décider de dire, bon, ben là, l'expérience égoïque ou astrale est totalement finie, là. Il n'y a plus d'intelligence. Puis le mental, tout le corps physique. Ça peut dans ces cas-là. Ou encore dans des maladies hautement avancées, où l'euthanasie humaine n'est pas encore à la mode. Alors là, il peut y avoir une cessation de vie de la part du mental qui voit plus du tout la logistique, même sans souffrance, de continuer à maintenir le corps en vie. Ce sont des exceptions extrémistes. Ça se peut. Mais du point de vue évolutif, jamais le mental va tuer le corps physique. Mais dans le cas, par exemple, où quelqu'un est maltraité, là, comme dans le premier exemple que tu as donné, c'est quand même l'ego qui est écœuré d'être maltraité qui va... Pas nécessairement. Dans certains phénomènes de torture, l'ego est totalement magané, qu'il est totalement détruit. Si on détruit suffisamment ton corps physique par la torture, disons les électrochocs ou ces choses-là, que l'âme n'a plus la faculté de s'exprimer dans le corps physique, tu n'as plus de sensations, l'âme ne souffre plus. Mais toi, mentalement, tu peux voir que tu vas passer le reste de ta vie dans le camp de concentration, tu peux, ou encore dans ton lit d'hôpital. Tu peux considérer des choses mathématiquement, logiquement, puis décider que là, ben, on va libérer tout ce qui est dedans, il y a plus de... le mental considère qu'il n'y a plus d'utilité. Ça se fait seulement dans des individus qui sont relativement évolués, ça va de soi. Alors, le parallèle, ce que je veux en venir, c'est avec ce que tu as parlé dans la première partie de la conférence, voyant le fait que c'est l'ego qui pousse à l'évolution, quand tu commences à être moyennement évolué, c'est l'ego qui te pousse le reste parce que tu es écœuré du reste. Exact. Puis la seule porte de sortie, ben ça peut être, entre autres, le double éthéré. Mais ça, c'est l'ego, c'est le point de vue de l'ego. Oui, mais n'empêche pas que ça marche. Ça fonctionne quand même. Tu veux dire, qu'est-ce qui marche? Le double éthérique est quand même réel. Oui, il est réel. Mais quand, à partir de ce que tu as dit à la première conférence, il est réel, mais d'une autre, il est vu autrement. Alors, est-ce que le mental peut pousser au suicide, ou c'est l'ego qui pousse au suicide dans ce cas-là? Bon, ça reste l'ego qui va vouloir se suicider quand on parle du suicide corporel. Oui. Mais le mental peut pousser l'ego à un suicide énergétique. Un suicide astral. Le corps physique reste en vie, le mental reste là, puis l'ego décide de ne plus vouloir vivre. Ça donne des tendances MTS. C'est un suicide égoïque, mais le corps physique reste en vie. Dans le genre, bon, ben, je ne veux plus rien voir, je suis tanné, je ne veux plus rien savoir. Le canal réincarnationnel s'étrangle lentement, l'ego n'a plus de substance pour vivre. La personne reste assise sur son derrière, puis elle atteint la fin de l'inutile. Alors qu'il y a un mental dedans, mais le mental finalement a poussé l'ego au suicide sans que le corps physique soit altéré. Mais par la mortalité même, non. Sauf si l'ego veut carrément fuir, ça c'est l'anti-homme qui veut fuir. Mais le moment que l'humain devient suffisamment intelligent, il n'y a aucun être humain qui a atteint un petit peu d'intelligence qui s'est suicidé, c'est pas arrivé encore. Ça veut dire dans le cas qu'il n'y aura pas de suicide, c'est que le mental prend le dessus sur l'ego. Oui. Puis le moment que le corps devient intéressant pour l'intelligence, on ne le suicide pas comme ça. Si la conscience se fout de former un double ou pas, c'est donc l'ego qui veut son double et qui pousse sur lui-même pour s'en égoïser en vue d'un double. L'ego ne sait donc pas ce qu'il fait, mais l'esprit le laisse faire. Qu'arrive-t-il si l'ego s'aperçoit du piège et veut cesser le processus? L'esprit lui laisse-t-il le choix? Non. L'homme peut-il avoir des bribes de conscience qu'il est en train de se faire bouffer? Oui. Est-ce que le fait, parce qu'il y a une question similaire, est-ce que se faire bouffer son double éthérique par un autre individu peut-il être perceptible par celui qui se fait bouffer? Si oui, de quelle façon? Oui, en ce sens qu'il se rend compte qu'il est en affinité attractive à quelqu'un, qu'il l'aime, que ça va bien, il est heureux. Bref, c'est le bonheur total, c'est le mariage, c'est parfait. Mais quand l'individu a l'impression de se le faire bouffer, puis ça lui fait peur, ça le rend malheureux, c'est une illusion astrale, il ne se le fait pas bouffer partout. Si Marc n'est pas du même faisceau que toi, il ne peut donc pas t'aider à former la tête de ton double. C'est peut-être parce qu'il n'est pas assez brillant. Je travaille sur le pied, en fait. Non, quelle que soit l'amplitude du faisceau, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que Marc, s'il veut m'aider à former ma tête, doit être légèrement... ne doit pas être aussi puissant que moi. Tout. Pourquoi? Ou il doit être suffisamment diplomate. Ouais. Ou il doit être suffisamment diplomate, ajusté, pour ne pas exprimer autant de puissance que moi. Si je veux former ta tête, il faudra que je te laisse aller. Donc, il ne faudra pas que je sois aussi puissant que toi, sinon je te colore. Alors, c'est la même chose. Si Marc veut m'aider à former ma tête, quel que soit son faisceau, tout ce qu'il a à faire, c'est de paramétrer pour m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Mais nécessairement, il forme ma tête. Alors, qu'il soit aussi puissant ou plus puissant, s'il veut former ma tête, il doit nécessairement s'ajuster. Être moins puissant ou faire le moins puissant. Aucun problème. Donc, on peut facilement, entre humains, s'aider à se bâtir, quel que soit le niveau de puissance, à la condition qu'il y ait un niveau d'ajustement convenable. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une antenne qui passait, qui avait un contact énergétique via le soleil local, une autre antenne via un autre soleil dans la galaxie. La question, c'est, caractérise-moi ton faisceau. Quel est son nom planétairement? Bon, c'est des choses encore là, que je me suis obligé à parler. C'est dans une conférence qui va être à quel esprit de vous relier. Conférence en décembre, le vendredi. Alors, la question est trop vaste, puis j'ai beaucoup de personnes qui me posent ce genre de questions, fait qu'en plaçant un titre comme ça, je m'oblige à répondre. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais répondre dans 4 semaines. Ton faisceau, quel est son nom planétaire? Ouais, c'est ça, c'est... Il a bien pu dessiner une face avec un sourire dessus. Ça va venir. Explique-moi l'autre manière qui s'est passée pour toi pour se fusionner. Ça dit que, par exemple... Okay. Oui, j'ai dit quoi? Je sais qu'est-ce que j'ai dit, mais répète-toi le nom. Que moi, c'était passé par le, par toi comme à titre de d'antenne pour développer un mécanisme fusionnel. Donc, la question pour toi. Oui, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, explique-moi l'autre manière qui s'est passée pour toi pour se fusionner. Premièrement, ma fusion n'est pas terminée. Je suis en fusion. Quand on dit qu'on est un être fusionné, ben, c'est pour plaire aux gens, parce que les gens n'aiment pas ça, suivre quelqu'un qui est en démarche, ils préfèrent suivre quelqu'un qui est abouti. Alors, on dit qu'on est fusionné, mais on n'est pas fusionné, on est en fusion. Bon. Alors, n'importe quel humain qui va dire qu'il est fusionné, si c'est un humain qui est suffisamment intelligent et convenable, on doit comprendre qu'il ne s'adresse pas à vous. Il s'adresse à ceux qui en ont besoin. La démarche elle-même, ben, c'est une longue histoire. Boy. On la met là, hein? Et on finir ça, là. Tu as déjà dit que l'homme, d'ici 30 ans, va devenir immortel. Cela touche-t-il les anciens comme les nouveaux? Non. Il va y avoir des preuves humaines. Mais c'est pas la majorité, c'est la minorité. Et les anciens qui seront, immortels vont-ils être réabsorbés d'ici les prochaines centaines d'années? Commente. Non, c'est ça, c'est que... D'ici 450 années, la majorité des Québécois vont avoir atteint une phase de supramentalisation. D'ici quelques milliers d'années, ce sera la planète Terre au complet. Nécessairement, il n'y aura plus autant d'humains sur le plan planétaire. Ils auront été absorbés, digérés. Alors, d'ici 30 ans, l'homme va devenir immortel. Le contexte devait être réellement dans un contexte exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y aura des humains qui vont y parvenir. Mais je n'ai pas dit que l'humanité serait immortelle dans 30 ans. De toute façon, du point de vue de l'âme, l'humain est mortel. Il restera toujours mortel. Finalement, il sera mort, puis il finira là. En attendant, pour le reste des constituants, ça reste immortel. Cela touche-t-il les anciens comme les nouveaux? Non, il y a seulement les personnes nouvelles, donc les hommes nouveaux, les femmes nouvelles, les enfants nouveaux, qui d'ici à 2000 ans vont devenir immortels. Il y en a, ce sera dans quelques années, il y en a, ce sera dans 30 ans, il y en a, ce sera dans 400 ans, il y en a, ce sera dans 1200 ans. Les anciens, eux, meurent, se réincarnent à travers les nouveaux, et nécessairement, donc, ils accèdent aussi. Il y aura 144 000 corps physiques disponibles dans quelques années. Alors, nécessairement, il n'y aura pas 5 300 000 000 d'humains dedans. Enfin, sur la planète Terre, ils vont être tous incorporés au niveau fusionnel dans les corps de ce que les anciens appellent les élus. Voilà. Sommes-nous tous en train de constituer ton double éthérique? Non. Ce serait tout de même intelligent. Oui, absolument. Mais ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, j'ai dit ça parce que ça fractionne des égos un petit peu. C'est intéressant. Mais non. Vous êtes en train de fabriquer des doubles éthériques. C'est très intéressant. Pendant une grande partie des temps à venir, plusieurs qui sont ici vont se servir de leur double dans le but de se réincarner. Et à un moment donné, ils vont aussi se fusionner entre eux et avec d'autres faisceaux. Et finalement, ben, il y aura ces 12-13 faisceaux-là. Puis finalement, un qu'un. Oui? Si la fusion se fait... T'allumes le micro. Si la fusion se ferait trop vite, est-ce que ça serait luciférien? La fusion se fait jamais trop vite. À comparer de la race rouge, il y a eu des fusions dans ce temps-là? Des fusions entre l'ego et le mental. Est-ce que c'est à cause qu'il n'y avait pas de... C'était pas trop densifié sur Terre? C'est des fusions entre l'ego et le mental. C'était pas des fusions entre le mental et le plan supramental. Ah, merci. Quel est le but de cet être ou entité qui nous a dans sa main? Résorber l'univers. Bon, je n'ai parlé souvent, on va aussi encore s'amuser un petit peu, mais très très brièvement. L'univers n'existe pas. Mais il y a un contexte dans l'inexistentialité des choses, où il y a de la mémoire, où il y a de l'existence. Et la problématique, c'est que les mots sont compliqués à trouver. Il n'y a pas de mots encore en français. J'ai déjà dit qu'il y a des choses, à un moment donné, il faudra qu'on parle une autre langue ou qu'on soit télépathe pour arriver à saisir ce qui doit être communiqué. Parce que les mots humains ont été bâtis en fonction d'expliquer le monde de l'homme. Et non pas en fonction d'expliquer le monde extra-humain. Alors, c'est assez pénible d'expliquer des choses qui ne sont pas du monde de l'homme avec des mots qui ne définissent que le monde de l'homme. Donc, quand on dit quel est le but de cet être, ce n'est pas, c'est un être, oui, ce n'est pas une entité, qui nous tient, qui nous a dans sa main, nous, il ne nous a pas dans sa main, nous sommes les constituants d'une partie du phénomène. Cet être porte un nom qui peut être univers, qui peut être plus gros encore, qui peut être super univers, ou plus gros encore, qui peut être création, et ça finit là. Bon, alors, cette entité, quand on parle de but, quand on parle d'origine, il y a énormément de mots humains qui ont fait des parallèles, on compte des histoires de tortues. Mais il y a des choses, à un moment donné, que ça échappe. Alors, on va revenir sur ce genre de phénomène-là en rajoutant, comme là, dans une période de questions, c'est un peu plus pénible, on les met de côté de temps en temps, on fait une conférence sur le sujet. Et puis, en mettant énormément de mots, on peut arriver à définir une petite substance. Mais il n'y a pas d'explication claire, à moins qu'on émotivise énormément et qu'on spiritualise l'explication. Là, oui, là, on peut faire des parallèles très faux, acceptables par l'ego de ces choses-là. Quelle est la différence entre un cérébral et un intellectuel? Oh, ben, ça dépend de ce qu'on entend par cérébral et intellectuel. Bien souvent, ça va être la même chose. Sauf que l'intellectuel, du point de vue plus terre-à-terre au niveau des mots, du point de vue étymologique, l'intellectuel est un phénomène mental qui sert l'ego, tandis que le cérébral est un phénomène désajusté de l'ego qui ne fonctionne que par logistique neuronique. Autrement dit, le cérébral serait un ordinateur qui fonctionne sans programmeur et qui marche selon simplement sa programmation ROM, sa mémoire de naissance. Et l'intellectuel a une mémoire de naissance, mais qui va assouvir une coloration astrale, donc égoïque. Normalement, un cérébral va fonctionner soit croche, soit droit, mais ce n'est pas son ego qui s'en mêle. Si la programmation est faite pour qu'il logifère d'une façon croche, il va logiférer d'une façon croche, mais ce n'est pas une coloration astrale. C'est un cérébral, c'est animé au niveau cérébral, puis l'ego n'est pas tellement au courant. Si c'est un intellectuel, eh bien, c'est animé au niveau cérébral, mais c'est coloré par l'ego qui est au courant, qui en a conscience, puis qui jouit là-dessus. Alors, au niveau étymologique, la nuance serait là. Qui a créé les infraterrestres et leur digestion par l'humain va-t-elle être rapide, car je suis surprise de l'invasion de tous les côtés, extraterrestres, ovnis ou autres formes de vie, qui veulent s'emparer de l'homme. Comment va-t-il s'en sortir? Bon, ben l'intraterrestre, comment il va s'en sortir? C'est par les trous. Hein? L'homme, lui, il n'aura pas besoin de s'en sortir parce qu'il n'est pas mal pris. C'est pas l'homme qui est mal pris. C'est les extraterrestres, c'est les intraterrestres qui sont mal pris, pas l'homme. Ah, ça va nous monter dessus un bout de temps, mais il n'y a pas de problème. Comme ceux qui sont trop puissants, ça ne leur monte pas dessus. Ça va aller chercher les plus impuissants du plan planétaire. Puis les plus impuissants du plan planétaire vont donner comme puissance à ces intra- et extraterrestres-là une forme d'énergie qui restera inférieure. C'est la quantité d'humains manipulés qui va devenir la puissance de frappe, disons, de cet ennemi. Mais encore là, tu peux envoyer 10 000 bombes à la Trinité Toluelle sur un pays, à la TNT, alors que nous, on en envoie une seule nucléaire. Fait que la quantité comparativement à la qualité crée un désajustement. Alors nous, on n'est pas mal pris. Alors, les intraterrestres et leur digestion, qui a créé les intraterrestres? Quand le monde planétaire s'est densifié, il y a eu nécessairement, à l'instant même où il y a eu révélation de la matière sur le plan vital, il y a eu expérience, donc expérimentation et mémorisation de l'expérience même de densification et de création du plan planétaire dans la matière même de la planète. Et au fur et à mesure des milliards d'années de densification, il y a eu apparition de phénomènes astrales, donc de mémoire, en périphérie, en surface, à l'intérieur et carrément au centre de la Terre, de cette densification-là. Toutes les mémoires qui sont inhérentes à ce qui se passe à partir de la croûte terrestre aller jusqu'au centre de la Terre vont constituer les mémoires infernales, donc les mémoires même de cette densification. Tout ce qui va se vivre sur la surface par la suite va engendrer un monde nouveau, qui va être le plan purgatoriel et finalement le plan céleste, et le plan infernal commence au niveau de la surface du sol en allant jusqu'au centre de la Terre. Les intraterrestres sont des entités qui n'ont pas de corps physique comme le nôtre, qui se servent, qui certains sont arrivés à... des gargouilles, entre autres, il y a un paquet d'autres phénomènes. Et lorsque ces phénomènes astrales, la mémoire même de cette densification, arrivent à vivre l'expérience identifiée dans leur propre monde, ce sont des intraterrestres. Si cette expérience arrive à créer des corps qui sont fonctionnels dans le centre de la Terre ou simplement sous la surface du monde planétaire, eh bien, ça devient des civilisations particulières mais infernales, dont la Gartha et Shambhala. Les extraterrestres, c'est le même phénomène d'expérientiation à travers des formes d'évolution planétaire ou solaire, galactique et universelle, et leur expérience, disons, astrale, pas nécessairement émotive, l'homme connaît l'émotion à cause du virus, mais pas nécessairement émotive, mais astrale mémorielle, vient aussi souiller un peu le monde planétaire dans le but de voler la génétique de l'homme. Et à la surface de la Terre, ben, il y a aussi l'expérience, la création de corps physiques, dont l'homme, l'humain, que l'on connaît, ou que l'on reconnaît. Alors, comment l'homme va s'en sortir? Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. C'est l'être humain est un phénomène ascendant. Alors, même s'il est petit, c'est toujours qu'à moyen terme ou à long terme, il devient plus puissant. C'est déjà gagné. Alors, il n'y a pas de problème majeur. Il y aura une intervention extraterrestre. Je vais aussi revenir là-dessus. Il y aura des attaques extraterrestres. Il y a déjà, de toute façon, une guerre extraterrestre entre différents contingences hiérarchiques pour savoir qui va pouvoir s'abreuver de l'homme. Dans quelques années, leur guerre n'est pas encore finie, mais ça joue aux échecs assez dur en haut. Pour savoir à qui va appartenir la Terre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est à nous autres que ça va appartenir. Pour l'instant, ils s'amusent, on évolue. Pendant qu'ils se battent. Mais ce type de guerre-là est énergétique, elle n'est pas... Elle est énergétique, mais plus elle s'approche du contexte planétaire, plus elle devient violemment énergétique. Est-ce que quelles vont être les séquelles ou les prémices de perception? Ben, violemment énergétique, ça veut dire que le plus bas que ça peut... Non, pas le plus bas, une chance. Mais dans les bas-fonds de l'expression énergétique, c'est nucléaire. Alors, quand on parle de laser, ça en fait partie aussi. Quand l'être humain invente de quoi, c'est toujours tiré de substance astrale. L'humain ne peut pas créer. Alors, si on invente n'importe quel truc imaginé par l'homme existe quelque part. Alors, à un moment donné, tu mélanges différentes choses, mais toutes ces parties-là existent. Alors, c'est assez puissant comme phénomène. L'être humain a comme arme la plus puissante, c'est une faible arme contre ces guerres-là, c'est sa bombe nucléaire. Et c'est pourquoi il la développe tant. Oh, il ne sait pas encore pourquoi. Il la développera pas pour la lancer, à un moment donné, dans l'espace, pour faire virer de bord quelque chose qu'ils font sur lui. Et il ne comprendra pas ça. Alors, il continue à saillir. Comme ça, ça lui permet de développer ça. Est-ce que pour un faisceau énergétique donné, il y a une hiérarchie de conscience qui existe? Oui. Et suivant la différenciation des faisceaux, est-ce qu'il y a des saveurs différentes de hiérarchie de conscience qui existent? Aussi, oui. Et qu'est-ce qui régence actuellement? Donc, il y a un faisceau majeur par rapport à des faisceaux secondaires. On parlait de soleil central à un moment donné. Oui. Alors, les faisceaux partent de là. Et il y a des hiérarchies qui gèrent tous les faisceaux. Il y a des hiérarchies, disons, satellites qui sont inférieures, qui gèrent la rediffusion de différents faisceaux. Il y a des hiérarchies qui sont coordinatrices, c'est-à-dire qui travaillent en collaboration d'un faisceau à l'autre, là où les différents faisceaux pénètrent le même monde, comme le monde planétaire, de façon à ce qu'il y ait une forme de coordination, de collaboration entre l'expression des différents faisceaux à travers des molécules biologiques différentes, donc des humains différents. Donc, il y a des coordonnateurs des religions qui sont dans l'hiérarchie cosmique, qui coordonnent ce que les dieux peuvent se permettre sur le dos de l'humain, de façon à ce que chaque faisceau ait sa place sur le plan planétaire. Est-ce qu'il se produira un essaimage d'une civilisation hypermentale humaine? Hypermentale, waouh! Ça fait partie des futurs possibles. Ouais. Ça serait hypermental, ça serait supramental humain. Pour ne pas dire supramental exact, c'est pas hypermental, c'est supramental humain, donc bouddhifié. Alors, il y a un futur possible, il y a plusieurs futurs possibles d'ailleurs, où l'homme en tant que race androïde, colonise une partie de sa galaxie. Ça fait partie des futurs possibles. Est-ce que c'est du côté sombre ou blanc? C'est du côté... Dans les deux côtés, on en a. Donc, c'est un phénomène qui est hautement potentiel en termes de probabilité. Oui. Maintenant, le transport n'est pas un transport hyper matériel comme on le fait, c'est-à-dire que c'est un transport qui ressemble beaucoup plus au phénomène OVNI, c'est-à-dire que tu peux embarquer dans un vaisseau si ça te tente. Et puis, ça rend simplement plus esthétique et plus plaisant pour des parties matérielles. C'est un ego pur, une âme pure qui est reliée au niveau de ton corps physique. Pour ne pas avoir à dissoudre ton corps physique, c'est la boîte, le vaisseau spatial qui va lui-même servir de transport, qui va embarquer dans un canal de transport séraphique. Ça ne sera donc pas à la vitesse de la lumière, ça sera dans le genre, au lieu de passer... On ira chercher, par exemple, des transports relatifs à ce qu'on pourrait appeler facteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui veut dire 1, 2, 3, jusqu'à 10 fois la vitesse de la lumière. Est-ce que les soleils représentent des stations d'énergie que tu ne vas pas te déplacer d'un soleil à l'autre énergétiquement? Non, la lumière n'a pas besoin de passer par le soleil. Non. Le soleil, disons, c'est un endroit à pas passer à travers les voyages. Est-il exact de dire que nous ne sommes que la manifestation périphérique de l'homme, que l'homme est la création? Est-il exact de dire que nous ne sommes que la manifestation périphérique de l'homme, que l'homme est la création? Plus de périphérie, plus d'homme, plus de création. C'est plus ou moins exact, effectivement. C'est intéressant. C'est évident que l'homme est un homme psychologique. J'ai déjà parlé aussi de l'homme global. L'homme global, c'est la création. Donc, finalement, ça se rapproche assez. C'est bien. Quand quelqu'un meurt, combien de temps reste-t-il au-dessus de son corps? Ça dépend de l'individu. Ça varie entre... Il peut quitter son corps avant la mort, comme il peut le quitter quelques heures, à quelques jours, dépendant du corps physique, de la race, de l'endroit où est-ce qu'il va mourir, ou etc. Donc, ça dépend énormément. Dans l'Antiquité, ça variait de 3 à 5 jours, en moyenne. Aujourd'hui, ça varie dans les contextes évolués de quelques secondes avant la mort, aller à quelques minutes, quelques heures au maximum après le décès. Et dans les pays, disons, du deux tiers monde, ça varie encore de quelques heures aller à quelques jours. De quel faisceau appartient la couleur mauve pâle? Faisceau numéro 10. C'est une coloration, donc, c'est une bifurcation prismique qui s'est passée par un prisme, cette couleur. Et on va revenir aussi. Pourquoi les fusions en 14 faisceaux? Ces faisceaux ont-ils une forme que je peux visualiser? Non. C'est un phénomène de conscience. On peut le dessiner, on peut s'amuser, oui. Mais on ne peut pas dire... Je me suis levé ce matin, là, puis j'ai vu un des faisceaux. Ça serait une personnification dangereuse. Ramasse-t-on les déchets astro des gens faisant partie des autres faisceaux que le sien? Oui. À cause de l'âme collective. Quelle est la fonction des... En passant, un déchet astro, c'est toujours bâti avec de l'énergie. Quand c'est bien digéré, nécessairement, ça devient extrêmement créatif et constructif pour nous. Est-ce que la présence du Nazaréen puis sa résorption de son faisceau s'est réalisée par l'expulsion des déchets astraux de son faisceau et les éléments qui restent ont pourtant... Mais la mémoire astrale, c'est la résultante rejetée du faisceau du Nazaréen. C'est ce qui dynamise la religion catholique. Ce qui fait que la résorption finale du faisceau du Nazaréen n'a pas pu être complétée parce qu'elle avait une dette à payer. Le reste de l'humanité ayant pris en charge une partie des déchets astraux. La résorption de son faisceau est terminée jusqu'à un certain niveau, mais c'est évident que c'est stagnant quelque part et ça attend que le reste fasse aussi sa résorption. Il n'y a pas un faisceau qui se retire au fin fond de la création comme ça en abandonnant... C'est relié ensemble. Mmh. Alors, ça se retire jusqu'au premier point de jonction. Et puis là ça attend. Ça peut descendre, colorer d'autres faisceaux pour les aider. On appelle ça de l'instruction melchisédienne. Quelle est la fonction des Indiens d'Amazonie, des Guaharitas? Est-ce un territoire très supramental? C'est un territoire qui est supramentalisé, mais il y a une grande partie du plateau amazonien, du Mato Grosso et de d'autres parties qui sont beaucoup moins supramentalisées parce que, hélas, il y a des individus suspects qui ont été dans ces places-là pour aller drainer l'énergie supramentale qui existait là et pour la ramener au Québec. Alors, nécessairement, il y a beaucoup moins d'énergie supramentale. Alors, il y a deux antennes supramentales au Québec, et puis les deux ont été plantées leur nez à un moment donné sur le Mato Grosso et en Amazonie, ce qui fait que c'est pas mal drainé. Maintenant, l'énergie amazonienne supramentale se retrouve au Québec. Il reste encore quelques places sur le plan planétaire. Ceux qui veulent voyager un peu, il y a le désert de Gobi, évidemment, en Mongolie du Nord. Mais qu'est-ce qui se produit pour quelqu'un qui a génétique, qui va dans ces lieux-là, qui... Présentement, il ne vit plus grand-chose, là. Non, mais allons dans le désert de Gobi, par exemple. Qu'est-ce qui peut se produire dans la psychologie, dans la génétique de l'humain, quand il va là, pour dire on décolle de l'énergie supramentale? Bien, il faut que l'humain soit déjà prêt, évidemment, à pouvoir absorber cette énergie-là. Est-ce qu'on peut dire de façon... On peut dire n'importe quoi. Oui, mais ça peut signifier des initiations... Solaires. Quand on tout dit, le temps. Quand l'humain est prêt, oui. Par différence, c'est une initiation solaire puis lunaire. Je vais aller prochainement quelque part, tu veux voir? Je suis prêt. C'est pas, tu te ramasses 2-3 000 piastres d'ici un an. OK. Est-ce que tu décides l'endroit maintenant ou si tu attends? Je ne sais pas trop. Là, il y a déjà d'autres personnes qui sont au courant, mais je te mets au courant en même temps. Excusez-nous. Avant d'oublier, j'en profitais. Ouais. Le faisceau du comte de Saint-Germain est-il divisé actuellement en plusieurs humains ou centré dans 7 hommes? Il est centré à 98 % dans un personnage et les deux autres pourcents sont divisés à travers quelques milliers d'humains. S'il est divisé, ces humains sont-ils tous également évolués ou y en a-t-il qui sont bas, c'est-à-dire qui ramassent... Ils sont tous également manipulés. Okay. Ils ramassent les déchets astraux des gens de ce même faisceau. Ils sont également manipulés. Reb Klisavod, fait-il partie de ce faisceau? Quelle était ou quelle est sa fonction? S'est-il suicidé? On ne parle jamais de ceux qui font partie du faisceau lazaréen, ce qui fait que si lui n'en fait pas partie, c'est problématique de dire qu'il n'en fait pas partie, parce que déjà là, on paramètre le faisceau de Lazare, donc le faisceau lazaréen. Alors, tant que Lazare est encore dans le coin ici, on n'en parle pas trop. Est-ce que Lazare est venu visiter Montréal il n'y a pas longtemps? Oui. Oui. Puis, est-ce qu'il aime la ville? C'est perdu au coin de Sainte-Catherine puis Saint-Laurent. Ah bon? Il est rentré d'une maison, il faut s'informer. Est-ce que l'hémisphère gauche ou droit qui est le plus relié à l'âme? C'est ce qu'on va savoir au prochain PMC+, ça dépend des individus. Et il y a des techniques qui nous permettent de le savoir. Normalement, dans la majorité des êtres humains anciens, c'est le cerveau gauche qui est relié à l'âme. Sauf qu'un humain nouveau peut avoir aussi le cerveau gauche relié à l'âme, évidemment, mais il y a énormément de changements qui se font. Alors, quand on veut commencer à faire un certain travail, c'est bon de le savoir. Et on ne peut pas le déterminer, tiens, comme ça, on décide que c'est le gauche. Alors, c'est beau d'être collectif, mais c'est plus ça. Fait que ça peut être le gauche, ça peut être le droit. Dans une conférence antérieure, tu as dit que se retrouver dans une impasse indique que tu es un trouble fête cosmique ou que ce n'est pas le temps. Mm-hmm. Je n'ai pas de mission grandiose, je veux juste vivre vivante ces années planétaires et exploiter le maximum de mes possibilités. Comment trouver le lieu géographique et la place dans la société où tu peux le mieux exprimer ton intelligence? Alors, la réponse honnête, c'est qu'il faut que tu finisses présentement ce que tu as commencé, c'est-à-dire que l'individu est encore en transformation, puis elle n'est pas prêt à prendre un repos, puis ce qu'elle voit comme étant une vie particulièrement particulière, est une vision inajustée de ce qui lui arrive. Alors, ce n'est pas encore le temps qu'elle pose sa question. Quelle est l'utilité d'avoir conservé la tête embaumée de Jean le Baptiste dans le trésor des Templiers? Il n'y a pas d'utilité. C'est qu'à un moment donné, dans le phénomène des Templiers, il y a eu un schisme, une scission entre tous ceux qui récupéraient la partie noire du Temple. Et ceux-là ont lentement bifurqué et ont commencé à adorer la tête de Jean le Baptiste, tout simplement. Et il y a une partie plus claire qui a continué à fonctionner sans cela. Et c'est d'ailleurs la partie noire du temple qui a servi à détruire la partie blanche du temple. Alors, dans le trésor des Templiers, la tête ne se trouve pas dans toutes les places, évidemment. Ça se trouve quelque part, et puis c'est une relique. Pour certains, c'est un trésor, là. Il y en a qui l'embrasseraient bien en le verrant, en le voyant. Mais moi, je dirais OK. Comment choisit-on son ou sa partenaire? Est-ce pour combler un manque ou pour avoir le contraire de soi? Non, c'est pour combler un manque. Que veut dire contrôler la lumière? Ah! Qu'est-ce que ça veut dire contrôler la lumière? Hey boy! Contrôler la lumière est un terme extrêmement humain, planétaire, orgueilleux et astral, qui veut dire avoir du libre-arbitre et contrôler toute l'intelligence, tous les faisceaux. Mais cosmiquement, c'est la lumière qui contrôle... celui qui pense contrôler. Alors, que veut dire contrôler la lumière? Ça veut simplement dire que c'est un mensonge. On ne contrôle pas la lumière. L'homme ne se déplace même pas vers la lumière, c'est la lumière qui se déplace vers l'homme. Alors, contrôler la lumière, oublions ça. On peut contrôler la lumière astrale, peut-être, là. La lampe de poche. Mais pas le soleil. Est-ce qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler la nuit et d'autres le jour? Non, par contre, il y a des gens qui sont faits pour vivre la nuit et d'autres le jour. Maintenant, s'ils travaillent, c'est de leurs affaires. Est-il nécessaire d'apprendre les sciences cosmiques? Ben, c'est relié à une tradition, disons, d'un groupement nécessaire, non. Utile pour tous ceux qui en ont besoin, oui. Et si on parle de sciences alchimiques sans être liées à aucun attachement, donc à des lotes et sergeries, par exemple, on parle sans être attaché à quoi que ce soit, ben, ces sciences échappent à l'homme. Donc, lorsque ça sera utile, l'humain les connaîtra. Mais on ne parle pas d'étudier, on parle d'appliquer. Et si on parle de connaître les sciences cosmiques reliées à des lotes et sergeries, donc, ce qui existe présentement au Québec, ben, pour ceux qui en ont besoin, c'est utile. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, c'est pas utile. Et c'est un chemin qui est absolument convenable, mais ben, ça dépend encore de qui passe dedans. Donne-moi une chose qui ne sert à rien sur la planète. Mais voilà, c'est ça. Continuons. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Est-il bon de se promener sous la pluie? Ça dépend de la chaleur de l'extérieur, puis de la chaleur de l'eau qui tombe, puis comment on est vêtu. Il faut se promener nu sous la pluie. Ben, c'est ça, mais pas pour le nord, là, tu sais. Se promener sous la pluie, c'est extrêmement intéressant, effectivement, oui. Sauf qu'on essaie de s'arranger pour sortir sous la pluie, disons, 15-20 minutes après le début de la pluie. Comme ça, toute l'acidité qui était dans l'air est tombée déjà. Alors maintenant, on peut sortir, puis ce qui nous tombe sur la tête, ben, c'est de l'eau. La poussière est tombée avec les premières gouttes. L'acide nitrique et sulfurique, les anhydrides, sont tombés en acide avec les premières gouttes. Et après ça, ben, on va se promener. Sous la pluie, ben, il n'y a aucun problème. Si on veut bénéficier un peu de l'énergie solaire, yin, qu'il y a dans l'atmosphère, il en reste moins, évidemment, parce qu'on a attendu le passage de l'eau, mais c'est extrêmement intéressant. Et en plus, on bénéficie d'un paquet d'énergie tellurique qui provient de d'autres régions. Parce que, nécessairement, l'eau était vaporisée quelque part, très ionisée par le soleil. Ça reste de l'eau, donc c'est yin, très ionisée par le soleil. Et ça voyage, et puis quand ça tombe, eh bien, ça commence évidemment par purifier l'air. L'eau commence par ramasser tout ce qui est dans l'air. Et après, on sort. Il n'y a aucun problème. Mais si le moindrement qu'il se met à pleuvoir, on sort dehors, bien là, on est correct. On soit le goudron, les acides, la poussière, tout sans tête. Pourquoi Enoch fut transporté aux cieux avec son corps? Ce n'est pas ce que le Nazaréen a fait? Oui, le Nazaréen est aussi monté. Mais quand on dit aux cieux, là, les termes sont dangereux. Hein? Enoch a fait un petit voyage dans un véhicule matériel, énergétiquement densifié, un vaisseau spatial et spécial. Et il est donc monté au-delà de la sphère céleste, c'est-à-dire qu'il a quitté le contexte planétaire. Et le Nazaréen a aussi fait ce genre de voyage. Il y a des extraterrestres qui ont de l'allure. On va en reparler, mais il y a des extraterrestres qui sont convenables. Qui était Enoch, Jean le Baptiste ou bien Lazare? C'est intéressant. Les deux existent aujourd'hui. J'aime autant pas trop parler. Mais Enoch, c'était un beau bonhomme. Les deux autres aussi. Effectivement, Enoch était l'un des deux. Je réponds quand même un peu pour la personne, même si je ne veux pas trop clarifier. Mais c'était l'un des deux. C'est des mémoires d'Enoch, des mémoires de... Qu'elle pense à qui elle croit qui était Enoch, puis qu'elle sache que c'est l'autre. Est-ce que l'instantanéité est créée par une mémoire cosmique ou extraplanétaire? Non, l'instantanéité est l'agglomération dans l'immédiat de tous les événements mobiles et majeurs d'un univers, même d'une création quand on a une conscience plus grande. L'instantanéité, il n'y a pas tellement de mots en français ou en langage humain planétaire pour définir l'instantanéité. Qui est inexprimable dans le physique dû au temps et qui est exprimable seulement par un supramentalisé. Ben, c'est ça que ça donne aussi. Que signifie une pupille dilatée? Ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. À un certain niveau. Puis là, si on serait bien spirituel, la personne va dire: ah bon, dans ma conscience, j'ai pas beaucoup de lumière, c'est pour ça que j'ai une pupille dilatée. Non, c'est dans la salle où ce que t'es. Premièrement, il y a des sécrétions trop... Ben, évidemment, c'est sûr que ça leur suit une goutte d'atropine dans l'œil, ça dilate une pupille. Hein? Elle peut avoir des sécrétions d'adrénaline qui sont trop puissantes, alors sous l'effet d'une tension astrale, comme quelqu'un qui se met en colère ou qui a peur, la pupille se dilate de façon à mieux voir les choses. L'ego s'arrange pour sécréter hormonalement de façon à lui permettre de mieux percevoir ce qui se passe. Et il y a donc des phénomènes hormonaux qui peuvent faire en sorte qu'une pupille est trop dilatée. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut aussi juste se poser la question si on a toujours eu des pupilles plus dilatées que la normale. Donc, en réalité, on a peut-être un œil différent qui a besoin pour recevoir suffisamment de lumière pour voir clair, de dilater sa pupille d'une façon volumétrique plus grande que la majorité. Et si c'est juste une des deux pupilles, c'est donc une de l'hémisphère opposé cérébral qui vit certaines choses, soit qui vit un problème neuronique, neurologique plutôt, soit qu'il vit une mutation neuronique. Alors, ça dépend d'énormément de choses. Puis, est-ce que ça dérange? Si ça dérange pas, ça dérange pas. Les drogués, souvent, peuvent avoir les pupilles dilatées. Ils n'ont pas le choix. Ils jouent avec des substances endocriniennes. Enfin, ils viennent altérer leur corps physique. Ils altèrent surtout leur ego. L'ego s'exprimant crée des... Pour quelqu'un... Soit des triars ou des mitosis. Ils décrivent des cocaïnomènes comme des personnes qui peuvent vivre des états de conscience vraiment supérieurs par rapport à leurs états ordinaires. Oui, mais c'est des états de conscience illusoires. Hein? C'est... Oui, mais ils sont illusoires. De quelle façon? Ils accèdent à quel niveau d'énergie? Et pour... De la mémoire supramentale, certains, ou de la mémoire mentale, certains autres. Mais qu'est-ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils accélèrent énormément la conduction, la dépolarisation neuronique, ce qui leur donne un schéma de conscience qui englobe plus que l'homme ordinaire. Vu que le corps physique n'est pas prêt à cela, il y a une dégradation du système neuronique, donc à la longue, ils se détruisent le corps physique. Puis évidemment, tu es totalement esclave du phénomène, et ça ne vaut vraiment pas la peine de faire la tentative juste pour prouver à son ego que ça marche. Parce qu'après ça, on est fait. On en a besoin. Mais pourquoi l'ego a goûté à un état de vibration supérieure et il désire revivre cette expérience-là? L'ego est totalement impatient. Si tu es impatient à un point tel que tu dis, ben moi, juste prendre un peu de drogue, juste pour voir au moins une fois, quand tu vas avoir vu, si tu étais assez impatient pour le faire une fois, tu étais tellement impatient que tu vas le refaire tout le temps. Tu n'es pas pour te dire, maintenant que je l'ai vu, maintenant m'attendre mon 20 ans que je devais attendre à Christy, après y avoir goûté. Non. Là, tu fumes, tu piques, tu bois, tu fais n'importe quoi, mais tu retournes. Mais le processus, là, en équivalence douce, du discours que tu tiens, c'est pas une forme de drogue qui est donnée à l'ego? Non. Parce que l'ego expérimentant... C'est une forme de programmation, c'est pas une forme de drogue. Mais l'ego expérimentant des subtilités supérieures à l'intérieur de lui... Ça fait partie de sa transformation, c'est pas pareil. Mais l'autre aussi. L'autre, que le gars qui prend de la cocaïne, son ego expérimente des états supérieurs. Oui, mais ça ne transforme pas ni son corps ni son ego. Oui, mais c'est OK, ça, je suis d'accord. Bon, il y a une bonne nuance entre l'un et l'autre. Dans un des cas, c'est question de mutation, de cellularisation. Dans l'autre cas, c'est question simplement d'altération temporaire. Mais je ne parle pas au niveau des résultats et des conséquences. Je suis d'accord avec ça. C'est au niveau de l'attitude. C'est que l'ego, dans les deux cas, est dépendant. Ah, bien, soit l'ego, dans tous les cas, il est dépendant. Pas juste dans ces deux cas-là. Dans tous les cas, il est dépendant. La différence, là... On ne peut pas dire pendant. Il est pendu à tout ce qui peut le rassurer. Mais le crack est encore quelque chose de plus puissant. Est-ce que ça accède à des niveaux énergétiques plus puissants? C'est pas plus puissant, c'est plus faible, sauf qu'il y a beaucoup de corps physiques qui vont vibratoirement réagir plus au crack, comme les cracks boursiers. Mais ça crée un état de dépendance instantanée, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens deviennent dingues à prendre du crack? La cocaïne, c'est un petit peu moins pire. L'héroïne, ben tu sais, ça prend une certaine fréquentation d'usage là, pour devenir dépendant. Le crack, c'est instantané. Est-ce qu'il y a des mémoires à l'intérieur de l'ego qui, une fois qu'ils ont goûté à ça, c'est just too bad? C'est quoi? Le crack, comme la majorité des drogues nouvelles, sont des drogues ajustées à la conscience biologique de l'homme. Vois-tu, là, près de 3800 ans, lorsqu'une personne prenait de l'héroïne, c'était instantané son affinité avec. Elle était faite. Maintenant que le corps physique de l'homme, par sécrétion, par conscience génétique, transmission génétique, se solidifie, maintenant il prend de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium, et puis il n'est pas nécessairement immédiatement pris. Il en faudra plus de doses, son corps est plus solide. Le crack étant une drogue technologiquement nouvelle, elle est ajustée en vibration pour donner un résultat similaire à ce que les drogues maintenant rendues faibles, toujours aussi fortes, donnaient dans le passé. Alors on a essayé la mescaline, on a essayé différentes d'autres drogues, la science... des récupérateurs travaillent énormément pour créer des drogues qui vont ramasser comme il faut. Est-ce que, finalitairement et occultement, l'intention de la diffusion de la drogue... Je t'arrête juste deux secondes, on va juste finir les questions pour revenir. Bon, c'est la dernière question, c'est est-ce que le libre-échange est bon pour le Québec? Maintenant que je veux me partir une compagnie qui vend des hot dogs, oui. Le libre-échange, parce que c'est bon pour le Québec. Ah, bah, c'est... C'est évident que c'est pas mauvais. L'ouverture. C'est toujours l'ouverture dans une perspective de dynamique de bloc économique qui se développe. C'est une ouverture vers la dynamique d'évolution qui se passe à la planète actuellement. Ça peut être bon dans ce sens-là. Et ça peut amener des conséquences désastreuses pour certains secteurs. Est-ce que ça peut être ça? Oui, c'est évident que ça va amener des conséquences désastreuses pour certains secteurs. Autant américains, canadiens que québécois. Ça, c'est sûr, ça. Il y a toujours des imbéciles, ça leur prend 10-15 ans avant de s'adapter. Ça, il n'y a aucun problème là si le libre-échange finit par... De toute façon, à un moment donné, il y aura un libre-échange. Il y en aura un. Je ne sais pas maintenant, parce que le pays est mal rené. Une autre fois, il va être bien rené. Il va en avoir un, ça, c'est sûr. Le libre-échange entraîne énormément de choses au niveau de la conscience de l'homme. Le libre-échange, un phénomène de libre-échange, c'est une frontière psychologique qui descend de deux nations. C'est évident qu'il y a une des deux nations qui va prendre le dessus sur l'autre. Mais ça, c'est pas bien grave, ça, parce que dans 200 ans d'ici, si on est tous américains, on s'en fout. Ça dérange pas partout. Là, on chiale parce qu'on parle pas la même langue qu'eux autres. On chiale parce qu'on pense pas comme eux autres. Donc, on doit s'adapter. C'est contre l'adaptation qu'on chiale, c'est pas contre le libre-échange. Parce que finalement, quand tu as bien un libre-échange entre les États américains, comme tu en as eu entre les provinces canadiennes, alors c'est évident que si l'Ontario décide que ce qui est québécois ne rentre plus là, sauf si on paye ceci, on paye cela, on met du protectorat entre les deux provinces, la journée qu'on voudra ôter le protectorat, il y aura des compagnies ontariennes ou québécoises qui vont devoir en souffrir. Mais après le début de souffrance, ça crée un équilibre, ce qui fait que là, les deux marchés finissent par être plus grands. Bon, alors entre deux nations, c'est la même chose. On va perdre notre identité canadienne. Rien à voir avec le libre-échange, ça. C'est évident que si le Québécois est pas assez solide, dernièrement, il y a une émission que j'écoutais, c'est pour la première fois que j'écoutais d'ailleurs un orateur français me faire plaisir. C'était une émission où on fait des films partout sur la planète, et puis là, il y a une fille qui a fait des films sur les camionneurs américains, et puis elle appelait ça quelque chose dans le genre comme « Une journée dans la vie d'un trucker ». Et puis là, elle parlait des trucks, des truckers, puis ici, puis ça. Puis tout le monde était bien content là-dedans, mais il y a une personne, un juge, qui dit, moi, je lui ôte certains points, parce qu'il y a des mots en français comme routier ou camionneur, puis elle utilise le mot trucker, puis je trouve ça absolument niaiseux. Bon. Effectivement, si le peuple est suffisamment imbécile, c'est pas le libre-échange qui protège, l'anti-libre-échange qui protège la conscience, disons, identifiée d'un peuple. Le peuple n'est pas assez solide pour résister s'il y a un libre-échange. Matériel, le peuple fond complètement en employant les mots anglais, et puis lentement, le peuple devient totalement barbare, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de langue à lui, ni anglaise, ni française, ni joual, ni quoi que ce soit. Ben ça, c'est pas le libre-échange qui aurait changé grand-chose. L'humain était déjà pourri. S'il y a un libre-échange matériel, il y aura évidemment une tendance à la baisse du point de vue des consciences linguistiques. Et lentement, ceux qui dorment vont se réveiller à travers cela. C'est un coup de pied au cul, c'est comme Saint-Basile. Et puis, à un moment donné, te réveillant, tu renforcis ta structure ou tu la perds. Mais d'une manière ou d'une autre, ça devient une décision humanitaire, une décision planétaire, où on cesse d'être toujours dans l'alternative, devant l'alternative de se demander si on reste indépendant, si on devient collectif, si on est ceci ou on est cela. Et le libre-échange, s'il va trop à l'encontre du Québec, ça va forcer le Québec à se séparer du Canada, ce qui n'est pas mauvais non plus. Et le libre-échange, si le Québécois l'entreprend convenablement, ça va permettre une chose qui a déjà été prévue, qui est déjà arrivée aussi, c'est que le Québec va pouvoir exporter sa tête, sa conscience, et facilement, aux États-Unis. On va pouvoir éditer, on va pouvoir vendre, on va pouvoir traverser, on va pouvoir s'amuser en masse. Alors, même si on perd, c'est sûr que dans certains secteurs de l'industrie, il y aura des pertes. Dans d'autres secteurs, il y aura du pain à gagner. Mais du point de vue de la conscience, c'est très, très, très, très bon pour les Américains. Il y a un libre-échange. Alors, voilà, on fait une pause et on revient vendredi prochain. Donc, ces personnes qui n'ont pas encore de transport, même si c'est plus, c'est une personne qui a encore de la place. Et pour les personnes qui ont posément un cours mercredi, ils se venaient la semaine prochaine.